Je nous laisse dans la nuit, un souvenir net et précis. On commence à faire du bruit, ce beau jour est un vendredi. Nos deux bouches épanouies se saisissent et puis salivent. On dirait que les interdits sont peut-être endormis. Comme la nuit est courte, on la prolonge. Comme la nuit est courte, on la prolonge. Comme la nuit est courte, on la prolonge. Laisse dans la nuit une empreinte magique. Les couples qui s'aiment sont des couples cosmiques. Les étoiles, je l'avais senti. Il paraîtrait même que je l'avais prédit. Le lit devient le lieu favori. Les sentiments nous plongent dans l'infini. Laisse-moi penser à toi. Comme la nuit est courte, on la prolonge. Laisse-moi penser à toi. Comme la nuit est courte, on la prolonge. Laisse-moi penser à toi. Comme la nuit est courte, on la prolonge. Laisse-moi penser à toi. Comme la nuit est courte, on la prolonge. Laisse-moi penser à toi. Je nous laisse dans la nuit, un souvenir net et précis. On commence à faire du bruit, ce beau jour est un vendredi. Nos deux bouches épanouies se saisissent et puis salivent. On dirait que les interdits